paroles. Que je devrais connaître par cœur, mais bon. Ça va, moi? Il t'a faire des mises à jour des logiciels de votre ordinateur et faire des mises à jour importantes, des systèmes Power, des systèmes propres à être installés. Non, je ne veux pas. Ça va la basse ? C'est pas très fort. Même pas le temps de boire une bière. Quand vous jouez la fin de tourner, allez, allez, tiens.